constate, yo. Mon statut stack, comme une statue, situation statique. Immobilisé, bouche pétée, tu qui ne peut écouter. Je constate qu'à mon stade, tout recule, rien avance. Les affaires sales s'approchent auprès de moi, je les devance. Car si t'es mauvais, sache que la bascule bouscule. Sans excuse, t'as juste ce que tu mérites. De ta première bouchée de pain, ta dernière mètre aspirée par l'aspirateur, tout sera compté. Même les sales quart d'heure courent, ravivent les mauvais souvenirs. Je constate que si on regarde derrière, on se gourre, on gâche les premiers pas à oser. Tant d'énergie pour rien, craint. Réflexion avant de passer à l'action, bonne distinction, muslim, instinct, distant avec les gens. Rappeur depuis 8 ans, après toutes ces années, je constate. Restitue le hip-hop, le situe du bon côté. Rien qu'au son de ma voix à niquer, on sent le vrai qui fait frissonner. Le truc qui fait sonner, sans ciné, le terrain m'a fait une pas miné. Avant, je réfléchis sans sauter des tapes, yo. Je constate comme un instinct qu'il y a des choses à enseigner au lieu de se saigner. Le choix se rapprocher ou s'éloigner. Plutôt soigner, même si je constate que certaines poignées ne peuvent plus serrer. Cause story censurée, des faits épurés, yo, comme du sang drogué. Mon peuple est gravement accidenté. Pour cause de conduite effrénée, on n'a pas su freiner, appuyer sur la pédale, s'arrêter au feu stop. Crier, fatal choc, l'étale tout le froid, c'est inutile par choc. Si on se moque du code, ça tient pas la route, plus dur est le choc. De chauffeur, on devient chauffeur, on se trouve, c'est chaudard. Comme de rouler sans casque pour un montage, trop tard, ton cas, y'a des priorités respectées. Du véhicule, tu t'es éjecté, retrouver la tête dans le pare-brise brisé. Mon sang ainsi maîtrisé, piloter l'engin grisé par la vitesse, frangin misé. Sur l'excès de confiance, on te fait que c'est excité, incité à tenter le diable. Roule à l'essence, croyance, ta meilleure combustible. Pour mieux avancer, pas que ça parte en fumée, éviter la roulie. Mets de l'huile, respect dans ton moteur. En tout bien, tout honneur, moi une panne garantie. Meilleure tenue de route, de vie, c'est tout de frère, roule sans permis. Pour sortir de la thermie, pense à être sur la voie du paradis. Que l'élite direction la casse. J'dis basse pour t'apprendre le code. Mais c'est dur de faire un zéro faute. Essaye de négocier les virages, éviter les mirages, pas finir dans le cirage. Là on va droit au carambolage. Désormais surveille tes gestes au rétro. Peut-être que le malin t'attend au tournant. Hey yo, toute voix dehors. Coupe vent gonflé par le souffle nasal des faux qui aiment gonfler. Au complet, mes combattants sont tous foncedés, mais le flow reste sobre. Et les faux vont se couper. Toute voile dehors, coupe-vent gonflé par le souffle nasal des faux qui aiment ronfler. Au complet, mes combattants sont bien réveillés, mais le flow reste sobre. Et les faux vont se tromper. Melka, constate, yo. Ouvre les yeux, constate ce qui se passe dans nos villes. Autour de moi, ça vole, ça viole, ça tire des kills. Certains tombent sur un coup de filet, un coup de fil sur table d'écoute. Goûte la prison, méprise la vie, brise les chaînes qui le lient. Debout, moi, ne vois que lui. Délit sur délit, ça ne dure qu'un court délai. La rue a ses délires, pour s'en sortir, faut réagir. J'irai en cas de coup foireux. Faire mettre un enfoiré quand il croit que c'est la foire. Des droits dans la poire, rien de mieux pour gagner le respect d'un soir. Tel est le devoir de l'homme, lutter quand il s'agit de lutter. Côté des trains arrière, si l'un gagne, l'autre perd, repart sur les nerfs. Répare les dégâts commis au départ. Repère ton parti, les personnes sur qui compter, même quand tu te dégares. Yo, yo, jean bar, constate. Des corps morts de mecs comme nous incinérés. De l'engrais répand le cendre et fertilise. Quand je mise sur l'éternité, la vérité ne plaise plus. Depuis l'âge de 9 mois, qu'on succomprend pourquoi. Seulement à l'âge de 23 ans, ma mission. Foi et fury comme la FF. Texte au CNRS, b-boy scientifique comme Mos Def. Des larmes sèches, la dèche dans la tristesse. Représenté sous la verse, on n'est pas de la même trempe. Planque le camouflage kaki. La ville grise gagne, épuise nos fatigues. Paillez voir les billets au fond de nos palais. La rime baisse partie, c'était prévu. Vu que je roule en peine, elle bat le mode pour l'inconnu. Ma check était tendu. Coupe tes cheveux blancs, gueule de bandit. Évite les soucis, ramasse plus de clichés. Trop de questions brûlent mes lèvres. Je me lève pour opposer, je fous le feu au monde. Opposer à l'esprit boum. Hey yo, toute voix dehors. Coupe vent gonflé par le souffle nasal des faux qui est gonflé. Au complet, mes combattants sont tous foncedés, mais le flow reste sobre. Et les faux vont se couper. Toute voile dehors, coupe-vent gonflé par le souffle nasal des faux qui aiment ronfler. Au complet, mes combattants sont bien réveillés, mais le flow reste sobre. Et les faux vont se tromper. Constate.